Troisième partie, Alpaul. Chapitre 1. J'ai étudié l'autre monde. Il est déchiré par la guerre depuis des siècles. Les hommes s'y entretuent, anéantissent en une journée ce qu'ils ont mis des années à bâtir. J'aimerais pouvoir affirmer que cela n'existe pas en Gwendalavir. C'était là impossible. La guerre existe ici aussi. Peut-être l'homme est-il fondamentalement allergique à la paix ? Maître Carboast, mémoire du 7e cercle. Si la Fienne voulut tous les rencontrer avant leur départ. Nous n'avons pas eu le temps de faire votre connaissance, leur confia-t-il. Je le regrette. Vous allez jouer un rôle essentiel pour l'avenir de l'Empire et, que vous réussissiez ou non, ma reconnaissance vous est acquise. Vous formez une troupe atypique, soudée par des liens que je sens forts. J'avoue cependant avoir insisté pour que votre effectif soit renforcé par des hommes de la Légion Noire et des dessinateurs. Mon vieil ami Edwin s'y est opposé. Comme souvent, même si je suis l'empereur, ses arguments l'ont emporté. Vous avez jusqu'ici montré votre efficacité. Ma confiance et mon espoir vous accompagnent. Le groupe qui jouera votre rôle pour le Reletzlich est parti ce matin par la route du Nord. Vos cheveux vous attendent. Bonne chance. Un à un, les membres de la troupe saluèrent l'empereur et sortirent. Quand ce fut le tour de Camille, il l'embrassa chaleureusement. « Merci, Willan, » lui souffla-t-il. « Tes parents seraient fiers de toi. » Elle ne répondit pas. Elle était convaincue qu'Edwin n'avait rien raconté de l'intervention d'Elicia, et le chuchoteur qui, depuis la veille au soir, avait retrouvé sa poche de chemise, ne se manifesta pas. Elle sourit avec gentillesse. Si la Fianne, tout empereur qu'il soit, avait été amoureux de sa mère. Un amour à sens unique qui atténuait l'aspect impressionnant de sa fonction. Tant qu'ils le purent, Camille et Salim se retournèrent pour dévorer Al-Jed des yeux. La capitale s'était gravée de manière indélébile dans leur mémoire, mais ils ne pouvaient s'empêcher de la contempler encore et encore. « Regarde où tu vas, bonhomme !» bougonna Maître Douhomme. L'analyste, complètement remis, avait emporté une dizaine de gros livres qu'il compulsait avec l'efficacité qu'octroie une longue habitude. C'étaient de lourds grimoires reliés de cuir, aux pages jaunies, couvertes d'une écriture cunéiforme incompréhensible. Des ouvrages qui n'auraient pas dépareillé la bibliothèque d'un magicien ou d'un thaumaturge. Maître Douhomme, suite à un chaos plus marqué que les autres, venait de refermer celui qu'il parcourait et foudroyait sa ligne du regard. « Pas de problème, papy !» répliqua le garçon qui menait l'attelage avec les attitudes d'un conducteur expérimenté. « J'assure un max !» Maître Douhomme leva les yeux au ciel. Et dire que je vais effectuer ce périple à côté d'un voyou impertinent, gémit-il. Je ne le supporterai pas. Le regard affectueux qu'il portait sur Salim démentait ses paroles, et le garçon en eut chaud au cœur. Camille, qui s'était penchée pour suivre l'échange, fut rappelée à l'ordre par sa monture. Oui, Aquarelle, s'excusa-t-elle. Je me tiens droite. Cadeau de l'empereur, la petite jument pommelée était adulte depuis peu. Son dressage venait de s'achever. L'adolescente l'avait découverte au moment de partir et, dès le premier regard, avait été conquise. Elle paraissait taillée pour la vitesse, non pour le combat, avec les mêmes attaches fines que Murmure. Elle avait de grands yeux intelligents et quand Camille posa sa main sur sa tête, le contact s'établit immédiatement entre elles. Sa selle de cuir gris bordée de blanc était en harmonie avec la couleur de sa robe. Bjorn résuma la vie générale en affirmant qu'il s'agissait d'une monture magnifique. Salim aurait pu se montrer jaloux, mais la joie de son ami interdisait tout sentiment mesquin. De plus, l'empereur avait aussi pensé à lui. Il arborait fièrement la ceinture à laquelle étaient pendus deux magnifiques poignards et avait rangé dans son sac une corde au reflet argenté soigneusement lové. « Un fil d'Ulm !» s'était extasiée Elana. « On ne s'est pas moqué de toi ?» Il ne doit pas en exister plus de 5 au monde. La jeune marchombre lui avait expliqué que la corde était censée être l'œuvre de Merwin en personne. On la mentionnait dans de multiples histoires et elle était dotée de nombreux pouvoirs. L'un des plus intéressants, outre sa quasi-indestructibilité, était sa faculté de prendre la longueur souhaitée par son propriétaire. Salim s'était promis de l'essayer dès que possible.